La sixième édition de la traversée internationale du lac Saint-Jean en vélo cette année. Et année après année, c'est un événement qui gagne en popularité. Question de savoir un peu comment on s'enligne cette année. Il y a beaucoup de neige. On annonce une autre tempête demain. On parle avec Simon Ouellet, qui est un des relationnistes de l'événement. Salut, Simon. Alors, bonjour, bon matin. Simon, c'est un événement qui gagne de plus en plus en popularité, la traversée internationale du lac Saint-Jean en fait bike. Oui, absolument. À chaque année, on attend là, près de 300 cyclistes d'un peu partout au Québec, mais aussi là, environ 20% là, de touristes et de cyclistes là, qui viennent un peu partout au travers le monde. Là. On parle entre autres là, de 6 pays, entre autres de l'Europe, puis aussi des États-Unis qui sont présents cette année. OK. Est-ce que c'est un événement qui gagne en popularité du côté des touristes? Est-ce qu'il y a de plus en plus de touristes ou ça ressemble pas mal à l'année passée? Je vous dirais que ça ressemble pas mal à l'an dernier. C'est sûr qu'on a toujours une clientèle qui est bien visée au niveau de l'Europe francophone. Donc, on parle ici de la Suisse, de la Belgique, de la France et tout ça. Donc, c'est vraiment une clientèle qui est de retour à chaque année puis qui est importante, évidemment, pour nous. Okay. Qu'est-ce qui attire ces touristes-là? Parce que en France, en Suisse, le climat n'est pas nécessairement comme ici. Qu'est-ce qui les attire? C'est les paysages, l'événement, l'hospitalité ou toutes ces réponses? C'est un peu toutes ces réponses. Okay. J'aurais envie de dire également qu'une aventure chivrée, ça dit tout. Okay? On a l'impression de se retrouver dans un désert nordique. C'est carrément l'effet que ça fait. Puis c'est de vivre une expérience qui sort de l'ordinaire également. Puis je pense que pour ces gens-là, là, ils se retrouvent dans un univers assez parallèle, là, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment une expérience pour eux qui les sort de l'ordinaire, là, vraiment. OK. Dis-moi, le fait qu'il y ait tombé beaucoup de neige, est-ce que ça complique le travail des organisateurs pour en fin de semaine? Ben c'est sûr qu'au niveau de l'organisation, là, c'est beaucoup de travail, mais on est à la tâche là, pour prévoir là, un sentier qui est là, au maximum là, de ses capacités. Là. Donc, notre équipe travaille fort encore présentement. Là, on travaille sur le sentier pour le rendre là, accessible le plus possible puis le plus rapide possible également. Par contre, c'est la beauté également du défi d'affronter des conditions qui sont un peu incontrôlables par rapport à la météo. Donc, ça fait partie de la game, là, vraiment. OK. Est-ce que les conditions... Donc, ça commence quand, l'événement? Donc, il y a trois journées de l'événement. Donc, aujourd'hui même, le premier départ est à 9h30. OK. Ensuite, on a vendredi, même chose pour 9h30. Et samedi, on a deux départs. Donc, le jeudi et vendredi, c'est davantage des défis au niveau des aventuriers. Puis, on a aussi le défi des entreprises aujourd'hui. Pour ce qui est du samedi, là, c'est davantage la journée réservée aux coureurs, à l'élite au niveau vélo de montagne, au niveau vélo de route, donc qui se rassemblent, là, si on veut, pour être le roi ou la reine du lac Saint-Jean à vélo. Voilà. OK. Donc, on va vous souhaiter la meilleure des chances, puis au plaisir de se reparler. Excellent, merci beaucoup. Voilà, donc c'est l'organisateur de la traversée internationale du lac Saint-Jean,